Mercredi 3 octobre, midi, un tour pendable. La vie s'y suit son cours, en pente douce. Seulement des petits tracas, comme s'il s'agissait d'un train-train ordinaire. J'en oublie presque mes grandes questions existentielles. Je m'installe dans un certain confort. Ainsi mes préoccupations sont par exemple, d'améliorer l'ordinaire de nos menus, et je fais chaque jour de la cuisine. À présent j'ai trois bouches à nourrir. Les ascenseurs sont en panne depuis vendredi. À cause de ça nous n'avons plus de hors-d'œuvre servis à la gamelle, mais grâce à nos réserves et à mes talents culinaires nous nous régalons. Par contre, cette panne a entraîné aussi la suspension des livraisons. Nos provisions en particulier, en chocolat et en petits gâteaux diminuent à vue d'œil. Jusqu'à quand tiendra-t-on? Je dois garder un œil sur nos réserves. Au niveau du tabac, je n'ai rien reçu non plus. Mais grâce à Bébert, je n'ai pas de soucis à me faire. Il a des Marlboro. C'est Las Vegas. Hier, j'ai fumé au moins trois cigarettes, c'est trop, je commençais à peine à me déshabituer du goût de la nicotine. Décidément, en prison, le tabac c'est une drogue. Ce matin, Bébert et moi descendons en promenade ensemble, bras dessus, bras dessous, comme deux bons taulards. Nous poursuivrons dans la cour notre partie de mots fléchés, que nous avons entamée hier soir. C'est vrai qu'il est fort le bougre. Après avoir salué la compagnie des forçats, nous choisissons une table au soleil. Bébert sort une grille et nous dissertons autour des définitions et des cases vides à remplir. Les rayons réchauffent nos vieux os. Rien ne devrait nous déranger. Grille sur grille, nous voilà bien occupés. Mais soudain, on nous assaille. Voilà qu'on nous saisit, Bébert et moi par l'arrière. Nous n'avons rien vu venir. Des bras nous tiennent à la gorge. Deux jeunes, Laïd aux yeux bleus, et une autre Tanmue, Ferzi, qui mesure à peine 1m60 tout étiré, nous étreignent. Ils nous serrent entre leurs bras jusqu'à presque nous étouffer. Ferzi enlace Bébert tandis que Laïd m'a agrippé. Leur étreinte se prolonge plusieurs secondes. Pourquoi un tel assaut? Pourquoi tant d'affection? Aussi soudainement qu'ils nous ont assaillis, les voilà repartis. Bébert et moi restons un moment sans comprendre. Il n'y a eu de leur part aucune violence, non, seulement cette étrange effusion, aussi soudaine qu'inattendue. Quelques minutes après, tout s'explique. Bébert se rend compte qu'on lui a fait les poches. Il avait descendu trois cigarettes pour que nous les fumions. Oups, Bébert n'a plus de cigarettes. On l'a dévalisé. Le connaissant pourtant, il les aurait partagées ses clopes. Voilà bien d'étranges manières pour des pickpockets. Moi, je n'avais rien dans les poches, mais je suppose que mon enlaceur m'a fouillé aussi. Quant à Bébert, bien qu'il gueule au travers de la cour, il peut toujours courir. Ici, il y a plus de voleurs que de gens honnêtes. C'est le propre des prisons. En fin de matinée, Laïd recommencera le même geste sur Bébert, espérant sûrement trouver quelques restes de tabac. Heureusement, je n'ai pas droit, à nouveau aux mêmes embrassades. C'est vrai qu'il sait que j'ai rien sur moi. Cela m'apprendra à ne rien descendre de précieux. La seule chose à laquelle je tiens quand je descends dans la cour, c'est à ma vieille paire de lunettes de vue, qui sert à corriger ma presbytie. En promenade, tous les tours pendables sont donc permis. Quelle mauvaise éducation! Laïd a été condamné à 12 ans de réclusion dont il vient de faire appel. Il porte encore sur le visage, les stigmates de sa condamnation. Ses yeux sont d'un bleu azuréen. Des yeux cibles qu'on dirait ceux d'un assassin. Il s'y reflète un désespoir qui à chaque fois me trouble. Laïd exprime ce désespoir de façon parfois violente. Ainsi, il lui arrive de frapper contre les poteaux ou les murs, sans autre raison, jusqu'à s'en faire saigner les phalanges. C'est qu'il est costaud le gaillard. Il pourrait tout aussi bien frapper quelqu'un, seulement pour lui dire son désespoir. Farzi lui aussi est en attente d'être rejugé. Farzi est une véritable teigne. Petit comme un lutin, toujours à faire des mauvais coups. On lui donnerait moins de 20 ans, mais il en a un peu plus puisqu'il n'est pas dans une prison pour mineurs, et c'est déjà un dur. J'ai bien compris depuis que je l'observe, que ni la différence d'âge, ni la différence de poids et de taille, avec les grands gabarits de la cour, ne l'arrête. Il n'a de respect que pour ceux qui peuvent directement le servir, ou le menacer. Je me dis qu'avec Laïd, il est toujours possible de s'arranger. Avec Fauzi, j'en doute. Je prendrai le temps, un autre jour, à froid, de reparler de tout ça. Avec Laïd en tout cas. Pas avec Fauzi.